Allô? Ouais. Ouais, je t'appelle, j'ai bien reçu ton instru là. Mais tu vois, en ce moment j'ai plus trop d'inspi. Ouais. Donc je pense je vais poser un ancien texte. Et je t'enverrai ça et tu me diras ce que t'en penses quoi. Ok, bah tu fais, t'enregistres. Dès que t'as fini, tu me l'envoies, tu le fais plus tard. Bah ok d'accord, ça marche, bah vas-y je te rappelle, c'est fait. Yo de cash t'écris avant de finir avec un cathéter. Si je dois partir demain tu leur diras que j'étais un gars d'éther. Qu'a trop déçu sa mère qu'en a eu le mal de vivre. Désolé maman, un fils de plus attiré par le vice. Je crois que c'est foutu, je pourrais jamais recoller tous les morceaux. Je vois bien dans ses yeux qu'en 2005 Mathieu est mort faux. Diront les autres, ceux qui croient encore aux belles histoires. Pour les 24 bougies, seul un soupir s'expirera. S'il faut un drame, faut plus d'un texte pour que les cons comprennent. Alors je me répète depuis le premier, je sais c'est quand qu'on perd. Au fond je suis mort, je me vois la face comme un cocu fier. Vrai j'ai des torts, mais la poisse reste mon producteur. Mon silo fuit alors je l'ai rempli à l'angle de mes larmes. Mais j'attends rien sans faire la guerre, on mérite pas de médailles. PS dealer, je rappais avec le cœur et pas les couilles. La vie m'a tant pris, on s'est arrangé, elle mettra mes coups. Ouais, de cas, j'ai écouté ton truc, il est chambé. Mais il manque un petit truc, faut que tu fasses quelques mesures en plus quoi. Ouais, de toute façon, bah c'est ce que je me disais, j'avais écrit deux trucs entre temps là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ça au plus vite, puis je t'envoie ça dès que c'est prêt quoi. Ok, ça marche. Yo les dents jaunies, à bout de souffle, check la clope me tue. Mon sauce se trompe de meuf, envoie je t'aime à sa pote de cul. Trop taf précaire, but c'est juste une paye grave meilleure. Certains partent en couille, descendent la blanche comme Herman Meyer. Deux au retour, là je reviens 9 mois au paradis. Ma gueule on te l'a pas dit, je t'annonce direct, là on va pas rire. 2011, voilà le contexte et y'a rien d'extra. Dans mes rêves y'a pas de Scarface, ni de Sab G-Star. La mort dans la peau depuis que j'ai plus que ça sur les os. L'amour fait maigrir, ça me fait écrire, voilà la triste raison. Le cœur brisé, je vais pas te surprendre comme ton angle mort. Au féminin y'a truc fiable, c'est les Allemands à la dérive, mais vas-y donne-moi beaucoup de flouze. Que je transforme de moi, je déprime en un tas de beaucoup de blues. J'abuse un peu, mais bon t'as vu, c'est ça qui fait que ça va. 23 années que je suis malade, man comme Serge Lama. 0,5 mort aux enterrés, là j'ai plus rien à perdre. Tu veux me péter, moi je suis tout queuse, frappe un homme à terre. Tout part en couille et même le reste espère. De toute façon ça faisait longtemps, mais je me voile plus la face pendant que le reste espère. La vie me tue, mais j'ai passé un pacte avec. J'ai l'habitude des bâtards viennent entre la poisse et la galère. Hein, les joints s'allument et les bocaux se vident. Les meufs cocues à force de croire en de beaux gosses ivres. Du coup je reste amer, l'espoir j'ai plus la force d'y croire. Mes yeux n'en ont eu que la bouche, l'échange contre ma dépression. Tandis quoi, c'est des principes contre votre mode de merde. Tu parles bien, je suis pas ton pote ni ta pauvre mère. J'rappe pour les miens, va pour les putes que les potes démontèrent. Fais-moi du mal qui t'arrivera, ça seul le démon le sait. Tellement d'années le diable a eu une étrange peur. On m'a redonné mon âme et depuis même les anges pleurent. J'écris la larme à l'œil, soupir aux lèvres, un de mes sourires offerts aux frères vaut bien plus qu'un billet violet. Je ris par devant, pleure par derrière, la peine comme seul allié. Viens dans ma chambre, c'est pas le Japon, mais y'a des tsunamis. J'ai perdu la lumière, Mars marquera là-bas jour. Les gars, protégez-moi du mauvais temps, comme d'un sale amour. Te sens pas concerné si tu sais que ton équipe maker. Je représente personne à part moi-même et mon beatmaker. C'est plus du rap, man, c'est bien mieux que ça. La force au mic et eux la bave, ça les rage, je le savent. J'écris mes textes dans la peine, y'a pas de latex dans mes thèmes. C'est pas de la merde, bande des flemmes, instru de zem pour les vrais, hein. C'est plus du rap, man, c'est bien mieux que ça. La force au mic et eux la bave, ça les rage, je le savent. J'écris mes textes dans la peine, y'a pas de latex dans mes thèmes. C'est pas de la merde, bande des flemmes, instru de zem pour les vrais.